بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فبفضل الله ورحمته نرجع إلى دراسة ذاك المتن المبارك تحت شرح شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى بعد هذا الانقطاع لمدة شهر رمضان الذي نرجو أنكم استفدتم منه وحصل الرجوع لربنا والاجتهاد في العبادة في الصيام والقيام ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا. نعم. نجيوم par la grâce d'Allah سبحانه وتعالى et dans toute sa miséricorde après cette coupure lors du mois de Ramadan duquel nous espérons que il y ait eu un profit tiré dans l'adoration, dans le siyam, dans le qiyam. Nous retournons donc dans l'étude, la lecture et la traduction de ce livre qui est le Mutn des Arba'in Nawawi avec l'explication de notre cher Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Naam. فمن اليوم سنرجع من الحديث الثالث وعشرين. Aujourd'hui ça va être le 23e hadith. نعم. فيقول المؤلف رحمة الله عليه قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان بن هلال حدثنا أبان حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل ناس يغدو فبيع نفسه فمعتقها أو موقبها. Donc il dit, selon Abi Malik al-Ash'ari, apporté par le Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la purification est la moitié de la foi. Et l'hamdulillah, le fait de dire hamdulillah, hein, comble la balance. Et le fait de dire subhanallah ou alhamdulillah, tous les deux remplissent le contenu se trouvant entre les cieux et la terre. Et la salat est une lumière. Et la sadaqa est une preuve. Et sobre est une luminosité, on va dire, réchauffante. Diya, ça va venir. Le fort qui est entre Nour et Diya, ça va venir. On dirait les deux pareils en français. Luminosité, lumière, ainsi de suite. Mais en arabe, il y a une différence. Et le Coran est un argument soit pour toi ou soit contre toi. Et toutes les personnes, chaque jour, s'en vont de bon matin. Soit ils vendent leurs âmes, ou soit ils la rachètent. Naam. فيبدأ شيخنا بشرحه فقال حفظه الله تعالى هذا الحديث عظيم جدا وقد ذكره الإمام مسلم في أول كتاب الطهارة من صحيحه وهو ثابت كما ترى عندي الإمام النسائي وغيره وفيه فضل الطهارة. Donc il dit ce hadith est un grand hadith, immense hadith qui a été rapporté par le Muslim en début de son livre de la purification dans son authentique. C'est un hadith qui est authentique, comme tu peux le voir chez l'imam An-Nasa'i ou autre que lui. Et contient la vertu de la purification et son mérite. وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الطَّهُورِ وَالطُّهُورِ وَإِنَّمَا بِالضَّمِّ الطَّاءِ الْمَقْصُودُ بِهَا الْمَاءُ وَبِفَتْحِهَا الْمَقْصُودُ بِهَا الْعِبَادَةُ أَوْ الْفِعْلُ والذي يظهر أنه يطلق على هذا وهذا وهو شطر الإيمان. Donc il dit, beaucoup de gens de science différencient entre le fait de dire at-tahur, le ta avec une fatha, et être toujours à toi avec une Dhamma. Que être toujours avec une Dhamma, cela revient à l'eau utilisée pour faire les ablutions, pour faire l'eau. Et être tahour, c'est l'action elle-même. Hein, l'action elle-même de faire l'eau. Et ça, c'est une règle que vous allez voir souvent, même par exemple, es-suhur ou es-sahur. Es-suhur, par exemple, c'est le repas que l'on prend avant le jeûne. Ou es-suhur, ça peut être le temps, l'heure à laquelle on le prend, ou alors l'action, le fait de le manger. Hein, différencier. Es-suhur, c'est le moyen utilisé. Et sahur, c'est l'action, ou peut-être même le temps durant lequel l'action se produit. Mais le chir, lui, voit que les deux s'appliquent sur la même chose et qu'il n'y a pas trop de différence. Et que cela représente la moitié de l'hymen, de la foi. قال أهل العلم المقصود بالطهور هنا الوضوء شطر الإيمان أي شطر الصلاة قال تعالى وما كان الله يضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم فسمى الله الصلاة إيمانا والطهور شطر الإيمان لأن الصلاة لا تصح إلا به سواء الطهور من الحدث الأكبر كالنجاسة أو الأصغر كالبول والغائط ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Donc il dit ici le sens voulu par الطهور ici c'est l'eau, hein, l'eau. Et que cette purification est la moitié de la foi. Mais le sens voulu par la foi ici, c'est quoi? C'est as-salat. Comme de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ اللَّهُ يُوْدِيَا إِمَانَكُمْ Ici, iman, en fait, c'est la salat. Elle a été appelée iman, c'est la salat. C'était la salat accomplie fil Bayt al-Maqdis. Et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé Iman. Hein? Et que le Tuhur, c'est sa moitié. Car la salat ne peut être valide sans l'eau. La salat n'est pas valide sans l'eau. Et qu'il s'agisse de la purification majeure ou mineure. Majeure comme celle de la janaba, ou mineure comme celle de le bol, l'urine, ou le roït, les excréments. Ou toute autre chose qui annulerait les odos, la purification. Et dans les deux authentiques, selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucune salat, la salat d'aucun d'entre vous n'acceptait, si jamais il sait, on va dire, il a perdu l'odo, il est en état d'impureté, tant qu'il ne fait pas cet odo, justement, tant qu'il ne fait pas les ablutions. La salat n'est pas acceptée. Parmi les shurut de la salat, at-tahara. La purification, ça c'est connu. Il reprend en disant « وَفِي الصَّحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ الطُّهُورِ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ » Donc il dit, selon Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah n'accepte pas de salat sans purification et ni d'aumône provenant du ghulul. Le ghulul, c'est l'argent qui était dérobé. L'argent qui était dérobé, comme par exemple le butin de guerre. Une personne qui prendrait sa part, qui n'est pas la, une part qui n'est pas la sienne, cela entrerait dans el-ghulul. Hein, el-ghulul. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, idha tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu kharajat khataaya ma'a al-ma' aw ma'a akhir qatr al-ma'. Fa idha ghassala yadayhi kharajat khataaya ma'a al-ma' aw ma'a akhir qatr al-ma'. Wa idha ghassala rijlayhi kharaja khataayahuma ma'a al-ma' aw ma'a akhir qatr al-ma'. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque le abd muslim ou mu'min fait son odo, que ses fautes sortent avec l'eau ou avec même la dernière goutte. Lorsque tu fais ton odo, cela nettoie également de tes erreurs, de tes fautes, de tes péchés. Les petits. C'est les petits péchés qui sont concernés. Si il lave ses mains, que les fautes commises par ses mains s'en vont avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Que s'il lave ses jambes, ou ses pieds plutôt, que ses fautes commises par ses pieds partiront avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Naam. Fahada yadullu ala fadl et tuhur. Et cela démontre le mérite et la vertu de la purification. Wa rabbuna subhanahu wa ta'ala yaqul inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Wa qala subhanahu ya ayyuha al-mudaththir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر فلابد من تطهير الظاهر والباطن. Donc il dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que c'est dans le sens, certes Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Il dit dans le sens également, et tes vêtements, ton vêtement, purifie-le. وثيابك فطهر. Donc il est obligatoire de purifier l'intérieur comme l'extérieur. La purification touche, comme cela va venir, à ton corps, comme le fait de se laver ou de faire l'eau d'eau, et également elle touche à ton intérieur par rapport au péché, par rapport aux fautes commises. At-taharatu tanqasimu ila qismayn, taharatu dhahir wa taharatu batin. Fa taharatu dhahir bil nazafa wa taharatu batin bit tawba wal istighfar min adh-dhunub. والإخلاص لله عز وجل كما قالت تلك المرأة يا رسول الله طهرني فقد زنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوليها أحسن إليها حتى تضاع الشاهد قولها طهرني فالذنوب تعتبر تلويثا. نعم. Donc, comme nous l'avons dit, cette tahara est de deux catégories. Celle qui concerne le côté apparent et celle qui concerne le côté intérieur. Le côté apparent, c'est la propreté, le fait de se nettoyer. Et l'intérieur, c'est comme par exemple avec la tauba ou le stirfar, de demander pardon pour les péchés et la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cette femme qui avait fait zina, qui était venue enceinte, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tahirni, et purifie-moi. C'est-à-dire, elle demande pardon et veut faire tawba d'avoir fait zina. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son wali, sois bienfaisant envers elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Et une fois qu'elle a accouché, il lui a laissé le temps d'allaiter son enfant et ensuite elle vint et il applique la sentence sur elle. Donc cela prouve que les zunoub, les péchés, sont une souillure. Les péchés souillent l'intérieur de la personne. At-tuhur shatru al-iman wa shatru al-nisf. فلابد من الطهارة حتى تصح الصلاة سواء كان بوضوء أو ما يقوم مقامه كالتيمم. Donc il dit que la purification est la moitié de la foi. Et shatr, c'est un mot qui veut dire nisf, qui veut dire la moitié. Donc il est obligatoire de purifier, c'est-à-dire le corps, pour que la salat puisse être valide. Qu'il s'agisse de l'eau d'eau, ou bien même de ce qui le remplace en cas d'absence de mets ou en cas d'incapacité de pouvoir faire l'eau d'eau, d'avoir de contact avec l'eau pour cause de maladie ou de blessure ou autre, c'est le tayammum. C'est le tayammum. Qawluhu walhamdulillahi tamla'u al-mizan. Et sa parole que le fait de dire alhamdulillah, cela remplit la balance. Wa hadha min adillati fard adh-dhikr lillahi 'azza wa jalla, sawa'un bil tahmid aw bit takbir aw qira'ati al-Qur'an أو بالتحليل أو بالتسبيح إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها عن أنس مسلم مرفوعا. Qui dit que cela est parmi les preuves du mérite de la vocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il s'agit du tahmid, tahmid c'est le fait de dire alhamdulillah. Le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Ou de lire le Coran. Ou de, par le tahlil. Tahlil c'est le fait de dire La ilaha illallah. Ou tasbih, qui est le fait de dire Subhanallah. Et que dans le hadith rapporté par Anas, chez un muslim, où il dit que certes, Allah agrée de son serviteur qu'à chaque bouchée qu'il mange, qu'il le loue. C'est-à-dire qu'il dise Alhamdulillah. Ou à chaque gorgée dont il s'abreuve, qu'il le loue. Cela est parmi les preuves du fait de dire Alhamdulillah après avoir mangé ou bu. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَفْوًا فَاللَّهُ حَمِدَ نَفْسَهُ فَاللَّهُ حَمَدَ نَفْسَهُ فِي أَوَلْ كِتَابِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Donc Allah, طيب, a fait ses propres louanges en début de son livre en disant louange à Allah, Seigneur de l'univers, des mondes. وَمَرَ بِذَلِكَ فَقَالَ وَقُولِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِ فَتَعْلِفُونَهَا. Donc il dit également, il a ordonné cela en disant, dis Alhamdulillah, il vous montrera donc ces signes et vous le reconnaîtrez. فَهَذَا فِيهِ فَضْلُ ذِكْلِ اللَّهِ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلْمَى رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَخِنْ بَخِنْ مَا ثَقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى لِلْمَرْءِ فَيَحْتَسِبُهُ. Donc il dit que cela démontre le mérite du rappel d'Allah une fois de plus, également comme le hadith rapporté par Abi Salma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bakhin Bakhin. C'est Bakhin Bakhin, ce serait un mot, un ism fi'al, pour comme le fait de féliciter. Le fait de féliciter. Par exemple, on avait pris Kachin Kachin, comme le fait de vouloir éloigner l'enfant d'une chose mauvaise. Et Bakhin Bakhin, cela serait en guise de félicitations pour une personne qui aura accompli une bonne action. Elle a dit, il n'y a rien de plus lourd sur la balance que le fait de dire Subhanallah, le fait de dire Alhamdulillah, le fait de dire La ilaha illallah, et le fait de dire Allahu Akbar, et également l'homme dont l'enfant pieux décéderait et qu'il rechercherait en cela la récompense auprès d'Allah, c'est-à-dire qu'il patienterait. Donc ces choses-là sont parmi les choses les plus lourdes sur la balance. فَيَنْبَغِي الْمُسْلِمِ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Donc il faut que le musulman invoque beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala comme celui-ci lui a ordonné. Il a dit Azza wa Jal dans le sens ô vous qui avez cru, rappelez-vous d'Allah. Rappelez-vous beaucoup d'Allah et glorifiez-le matin et soir. وقال سبحانه والذاكرين والذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Et il dit dans le sens et ceux qui se rappellent beaucoup d'Allah, c'est-à-dire hommes ou femmes, Allah leur a préparé un pardon et une grande récompense. وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Donc il dit, ô vous qui avez cru, lorsque la salat du Jumu'a est appelée, alors accourez-y. Accourez, afouane, au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et délaissez le négoce, le commerce. Cela est meilleur pour vous, si jamais vous saviez, si seulement vous saviez. Et si la salat est accomplie, alors dispersez-vous sur terre et recherchez de la grâce d'Allah et rappelez-vous d'Allah énormément afin que vous réussissiez. Hein, afin que vous réussissiez. Ensuite, il reprend en disant Qoluhu, par rapport au hadith, wa subhanallah wa alhamdulillah tamla'u ma bayna samawati wal ard. Le fait de dire subhanallah wa alhamdulillah remplit ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Remplit ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Qala ta'ala faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمْ خَالِدُونَ. فِي جَهَنَّمْ خَالِدُونَ. Donc il dit que malgré cela, hein, que le fait que ces paroles-là remplissent ce qu'il y a entre les cieux et la terre, tu restes quand même en besoin d'alourdir ta balance, c'est-à-dire par les bonnes actions. Comme dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit « Et ce quiconque aura alourdi sa balance » Alors ceux-là seront ceux qui réussissent. Et ceux dont la balance sera légère, ceux-là seront ceux qui auront perdu leur propre personne et qui seront éternellement au feu. Et là, Ibiski, par cela, les koufars. Hein, les koufars. Car eux, leurs balances seront vides de bonnes actions et alourdies des mauvaises. Et la principale qui est Shirk Billah ou le Kufr. Voilà, Billah. Donc ensuite, il reprend en disant أني أني من ثقلت موازينه بطاعة الله سبحانه ومن أعظم ما يثقل في الميزان وأعظم ما يتحسن به الإنسان من عدوه وذكر الله عز وجل. Puis également, toujours est-il en disant que quelle bonne chose pour celui qui aura alourdi ses balances par, quand on dit ses balances, à la base la balance n'est qu'une seule. Hein? La balance n'est qu'une seule. Mais le sens voulu est, c'est les bonnes actions. Le fait d'avoir multiplié les bonnes actions. Les savants ont interprété le fait de dire le pluriel pour la balance, car la balance n'est qu'une. Hein? Avec deux plateaux, comme cela est dit dans les hadiths, elle n'est qu'une. Et lorsque le pluriel vient, cela s'applique sur les actions. Donc il dit, quelle bonne chose pour celui qui aura alourdi sa balance par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qui alourdissent le plus sa balance, les principales choses les plus importantes, ce par quoi le muslim se protège plutôt, ouais, on va dire le muslim, il dit l'insan, mais le sens voulu c'est le muslim, se préserve de son ennemi, c'est la vocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, وَثَبَتَ فِي الصَّحِحَيْنِ وَوَأَخِي مَا خَتَمَ بِهِ الْبُخَارِي صَحِيحًا عَنْ نَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Donc il dit dans les deux authentiques, et qui est le dernier hadith par lequel l'imam al-Bukhari a fini son sahih, comme vous pouvez le constater, c'est le hadith rapporté par Abu Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, deux paroles légères sur la langue et lourdes sur la balance et très aimées auprès du Rahman. C'est le fait de dire Subhanallah wa bihamdi wa Subhanallah al-Azim. Ces deux paroles-là sont parmi ce qu'il y a de plus lourd et de plus léger sur la langue et de plus aimé auprès du Rahman. Et les enfants ici au Yémen apprennent beaucoup ce hadith. Parmi les premières choses qu'ils apprennent, ce hadith. Naam. Car c'est une action qui demande peu et qui rapporte beaucoup. Biiznillah pour celui qui est sincère. والخلوق الحسن فقد ثبت من حديث أبي درداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان في ميزان العبد يوم القيامة من خلوق حسن. Donc également le bon comportement parmi les choses qui alourdissent la balance, le bon comportement, comme il dit, comme cela est venu selon Abi Darda, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas une chose plus lourde sur la balance du serviteur le jour du jugement que le bon comportement. Hein? La chose qui rapporte le plus, on va dire après le tawhid et les actes obligatoires bien entendu, c'est le bon comportement. Ensuite il reprend dans la partie. Qawluhu wa salatu nur. Et la salat est une lueur, une lumière, une luminosité. Kayfa la wa yatanaha عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى إن صلت تنهى عن الفحشاء إن صلت تنهى عن الفحشاء والمنكر. Donc il dit, et comment cette salat ne serait pas une lueur, une lumière, alors qu'elle empêche de commettre les turpitudes. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, certes la salat, dans le sens, certes la salat empêche aux turpitudes et aux blâmables. Tayyib. Là, une question se pose très souvent, très fréquemment chez les gens qui est comment cela se fait qu'on voit des gens faire la salat de façon assidue. Tu les vois au mosjid, à chaque salat ils sont là. Cependant, malgré cela, tu entends d'eux des choses peu louables, peu recommandables. Comment je vois dans cela? Ou même d'autres personnes qui font des choses graves alors que tu les vois faire salat. Les savants répondent cela qu'en fait, la salat qui est concernée, c'est celle qui est accompli sincèrement, véritablement, comme l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il s'agisse déjà de l'accomplissement des ablutions. Ensuite, le respect des piliers et des obligations de la salat. Et le suivi en cela des actes recommandés. C'est-à-dire que, également, on peut dire que même l'habillement du musulman rentre dedans. Car lorsque tu viens te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois avoir une apparence correcte, c'est-à-dire légiférée. Hein? Tu viens en kamis, ou en izar, ou en tunique. Les vêtements qui sont les vêtements de l'islam. Et quand tu fais devenir en salat au mosjid, devenir en jogging, en jean, en pantalon, ainsi de suite, même si tu fais ta salat, tu auras fait quoi? Une infraction du fait que tu n'auras pas eu l'habillement légiféré. Donc déjà, il y aura un khalel, il y aura une défaillance dans ta salat. Celle-ci sera acceptée, inshallah, bien que certains savants comme Shia al-Albani voient que la salat en pantalon n'est pas valable, car le pantalon, pour lui, ne recouvre pas la aura, les parties intimes. Mais cette parole-là, le plus authentique, c'est que un pantalon large, lui, rend la salat valide, avec le péché d'avoir mis un vêtement de koufar. Quoi qu'il en soit, on dit que tu doutes sur l'autorisation de porter le pantalon ou pas, parce qu'on sait qu'il y a des savants qui l'ont autorisé, bien que cet avis-là n'est pas le plus correct. Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, quand elle est « Dar ma'yaribouk, il est mal à yaribouk. » Délaisse, comme nous l'avons pris le hadith, ce pourquoi tu doutes, pour ce dont quoi tu es sûr. Donc toi, ta salat, comment tu vas la faire? La salat, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Yaqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana » Vous avez certes, en le messager d'Allah, un bon exemple. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous savons comment il s'habillait et les vêtements qu'il aimait. Et le pantalon ne rentre pas dedans. Donc toi, fais en sorte de lui ressembler le plus possible pour mettre à ton avantage le plus de causes possibles que cette salat soit acceptée et que ce soit une cause qui t'empêche de tomber dans les turpitudes et dans les choses blâmables. Non. Chacun doit jaïd nefsa. Chacun doit faire un combat de son nefs, hein, ne pas garder les khilefs entre les savants, toujours s'efforcer de faire le meilleur. Que le chantre de choses pense qu'il est le meilleur pour toi. Non. Donc ensuite, le chi reprend en disant « Wa salatu nurun ma'a al-hifaz 'alayha fil jama'a » Comme nous disions, que la salat est une lumière pour celui qui la préserve, hein, qui s'empresse de la faire en groupe, hein, qui fait en sorte de la faire en groupe. « Qala ta'ala wa atu zaka wa rka'u ma'a raki'in » Il dit donc « Et acquittez-vous de la zakat » Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. وَمَنْ لَمْ يَتَنَوَّرْ بِتَعَاتِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ نُورٌ وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَجَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Donc il dit, celui qui n'est pas éclairé par l'obéissance d'Allah, qui ne se voit pas illuminé par l'obéissance d'Allah, alors celui-là n'a pas de lumière. Comme Allah dit dans le sens, et celui à qui Allah n'accorde pas de lumière, alors il n'aura aucune lumière. Man lam yatanawwar bi ta'ati Allah wa lam yunawwir Allah subhanahu wa ta'ala basiratahu afwan lam yunawwir Allah subhanahu wa ta'ala basiratahu bil 'ilm wa ta'allum wal tafakkuh fi din Allah min siyam wa salah wa zakah wa hajj. Fala nourara. Donc il dit, celui qui n'est pas illuminé par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah ne l'éclaire pas dans sa clairvoyance par la science et l'apprentissage et la compréhension de l'origine d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans la salat, dans le siyam, dans la zakah, dans le hajj, alors celui-là n'a aucune lumière. Comme encore le ta'ala, awaman kana mayyitan فَحِينَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Donc il dit, est-ce que celui qui était mort et que nous avons, à qui nous avons redonné la vie et à qui nous avons accordé une lumière et qui marche par cette lumière au milieu des gens est comme celui qui est dans les ténèbres desquelles il ne peut sortir? Donc là, subhanahu wa ta'ala fait allusion, plusieurs choses peuvent être dites, comme celui par exemple qui était mécréant et qui est rentré en islam. Ou celui qui est ignorant et qui est devenu savant. Et quand on dit savant, c'est pas forcément savant au sens comme au sens propre du terme, comme par exemple les ulama qu'on connaît chez nous. Ça, c'est le summum. Cependant, à partir du moment où tu as une compréhension de ta religion, la voie droite à suivre, et savoir vers qui revenir, et avoir des bases, hein, Inch'Allah, ce verset également s'applique. Car on voit, par exemple, un talib al-ilm et un ami, il y a une différence. Le ami, peut-être, ne saura pas comment faire sa salat, alors que le talib, lui, saura comment la faire. Le ami ne saura peut-être pas comment sa salat a été annulée, alors que le talib, lui, saura. Le ami s'est mis trompe, il ne saura pas comment rattraper, alors que le talib, lui, saura. Et les toulèves sont de différents niveaux également. Il y a débutant, il y a intermédiaire, et il y a expérimenté. Chacun en mesure de son niveau. Non. Donc de là, le chi reprend en disant « Man nam yakun lahu nour bi ta'atillahi azza wa jal fala yastaniru fi dunya wa yastaniru fi wajji wa yastaniru ala sirat wa yastaniru fi qabri. » Donc il dit « Celui qui n'a pas de lumière par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ne sera point illuminé dans sa dunya, ni illuminé sur son visage, car il est connu que des gens de la piété de l'istiqama, comme il a été dit, qu'ils ont une lumière sur leur visage. Ils ont une lumière sur leur visage. Et également, il ne sera pas éclairé sur le sirat. Hein, le sirat qui est le passage au-dessus de l'enfer. Que certains passeront à la vitesse de l'éclair. Certains passeront à la vitesse du vent. Certains passeront à la vitesse du cavalier. Certains passeront en marchant. D'autres à genoux. Et d'autres, ainsi de suite. Et d'autres seront pris par des crochets, les faisant tomber dans l'enfer. Et ce pont, il y aura une lumière. Celui qui était sur une droiture sera éclairé pour pouvoir le traverser. À l'inverse du désobéissant du kafir, le kafir lui tombera dans le feu éternellement. Le désobéissant lui en mesure de ses péchés si Allah lui pardonne. Cela revient à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours est-il que celui-là, en traversant le pont, il n'aura pas de lumière. Cela pourquoi une cause qui ne l'aidera pas à traverser et pourra le pousser à tomber. نسأل الله يحفظنا وإياكم من ذلك. طيب ensuite il dit قوله وصدقة برهان. Et la sadaqa est une preuve. أي أنا برهان على إيمان صاحب تلك الصدقة وإنه إن تصدق بها إيمانا إن كانت فريضة فلوجوبها وإن كانت نافلة فلاستحبابها واحتسابا لأجر عند الله هذا برهان على إيمانه وأنه ممن يحب الخير. Donc il dit que la sadaqa est une preuve, hein, une preuve où, qui démontre la foi de la personne. Pourquoi? Car cette sadaqa qu'il fait, hein, s'il le fait par sa foi, qu'elle est une sadaqa obligatoire comme un zaka par exemple, hein, la sadaqa est une preuve qu'il appuie son obligation. Examiner si une sadaqa nafila, surrogatoire, comme celle que l'on fait de nous-mêmes, cela est également une preuve pour son côté recommandé. Et que lui, en cela, il recherche la récompense pour Allah subhanahu wa ta'ala, car il fait une chose qui ne lui est pas obligatoire, mais il le fait. Donc cette sadaqa, hein, est une preuve sur sa foi. Et qu'il est une personne qui aime le bien. Car comme le disent les ulama, Cheikh Fawzan dans son charh, lui le cite, que la sadaqa provient à la base des biens, de l'argent. Et cet argent est aimé auprès de l'homme. L'homme aime l'argent, il aime ses biens. C'est une chose qui est connue. Donc lui, en prenant une chose de ses biens, en la donnant à autrui, il fait un effort sur lui-même, car le but en cela est d'obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle de celui qui le fait par ikhlas. Donc ce geste qu'il fait de lui-même montre qu'il s'est efforcé de combattre son ego, son avarice, pour donner à autrui. Cela démontre quoi? Son iman. Donc là c'est un burhan. Hein, c'est un burhan. Tayyib, j'aurais voulu continuer la partie wa sabr diaun, mais elle est longue. Et à la base je voulais faire ce hadith en deux cours. Mais je crois que le plus raisonnable serait de s'arrêter maintenant, Inch'Allah. Et qu'on prendra à partir de Sobre Diaoun, hein, samedi, Biznillah Ta'ala. Donc de là, le Khulasa du Ders que l'on a pris, qui était le hadith de Abi Malik al-Ash'ari, qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, At-Tuhur, Shatul Iman. والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور وصلاك برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وكل الناس يغدو فبيع نفسه فمعتقها أو موقبها que التهور on a vu la différence qu'il peut y avoir entre التهور hein, avec la fatha et التهور avec la dhamma التهور avec la dhamma c'est l'eau et tahour c'est l'action. Le chia lui voit pas ça, mais c'est ce qui est de plus connu, de plus répandu chez les gens de science, et que cela représente la moitié de la foi, d'accord, et que la foi également a été nommée iman, a été nommée salah dans le Coran. Donc cela s'applique soit pour la salat, que la tahara c'est la moitié de la salat, car celle-ci n'est pas valable, n'est pas valable qu'avec la purification, et également At-tuhur, le fait de se purifier des péchés. Hein? On avait dit At-tahara, alors qu'il se met At-tahara, Zahira, la tahara qui est apparente, c'est-à-dire la salat, comme le fait de faire l'eau d'eau, le fait de se purifier l'eau d'eau ou le ghusl, et Tahara, Taharat Batin, le fait de se purifier intérieurement, comme le fait de se purifier des péchés, comme la tauba ou le sirfar, ainsi de suite. Après, on a vu la vertu du fait de dire Alhamdulillah, le zikr. Le fait de dire Alhamdulillah, Subhanallah, Walhamdulillah. Et que la salat est une lumière par laquelle le croyant se voit préservé de tomber dans les turpitudes et dans le blâmable. Si sa salat est accomplie selon le rite authentique et avec sincérité. Et que la sadaqa est un burhan du fait que le fait de faire sadaqa est une chose qui démontre que la personne a une foi. Et donne de ce qu'il a en lui. فبهذا قد نكتفي نقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك